Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès Fou pour la semaine du 26 novembre au 2 décembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandra Carignan. Salut, Alexandra. Bonjour, Mathieu. Contente de te voir, comme toujours. Ben, merci. Moi aussi, je suis contente de te voir. Ben, t'es fine. Et tu, je sais pas si tu te rappelles, on a vécu la semaine passée une émission de radio ensemble, okay? C'est le fun, ok? Mais c'est encore plus fun cette semaine. Et, en plus, parce que d'habitude, les gens me disent, hey, tu crois pas en toi, Mathieu Plante, tu sais? Fait que là. Tu crois pas en toi. Moi, je leur dis, non, mais je crois en rien, tu sais. Je crois pas en rien ni en moi-même, fait que je suis un maté. Oh! Non? Saint, hein? Ça commence bien, hein? C'est un type de thé, tu le sais, hein, un maté? Non. Ouais. C'est un type de thé énergisant. Tout le contraire de moi. Donc aujourd'hui, au palmarès, on va avoir la présence de DJ Catardi et sa merveilleuse chronique musicale. On va aussi avoir les meilleurs moments d'assemblage requis dans ce qu'on appelle un instant classique. Oui. Mm-hmm. Puis d'autres bonnes choses, on va savoir si les numéros 1 sont toujours du côté francophone, les trois accords avec exercice. Et du côté anglophone, le darkness avec Nothing's Gonna Stop Us. Ah, est-ce que quelque chose les a arrêtés? Est-ce que quelque chose... C'est ça la question, ouais, hein? La grande question fondamentale c'est aujourd'hui, c'est ça. Mm-hmm. Avant ça, par contre, on va avoir plein de nouvelles entrées. Il y en a 5 en franco, 2 en anglo. Je vois entre autres Damien Robitaille, Lisa Leblanc, Audio Note, Keith Kuna, La Descente du Coude, Anna Georges et Red Young Rival. Mais on va débuter en 20e place francophone. Francophone avec La Descente du Coude et Généalogie. Schwing, schwing, ploink. Avec mes coudes, schwing, floink. Ouais. Badaboum. OK.

Salad Georges et Enemies, position numéro 19, nouvelle entrée en anglophone. Et juste avant, on a entendu la 20e position anglophone aussi, Young Rival et Black Popcorn. Mm-hmm, on a entendu les 20e places aussi des nouvelles entrées en anglo, Young Rival, excuse-moi. C'est celui que tu viens de dire? Oui, là? Oui. Okay, on entend sinon Kid Kuna avec Batiscan numéro 19. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, tout à fait. Et là, et on a débuté le tout avec la descente du coup des généalogies. Ok, t'es comme allé pendant l'heure. Ouais, ça, je suis pas allé dans l'ordre. C'est ma faute. Non, mais tu sais, Caroline, faut pas s'en faire avec des détails comme ça. Ben non, hein, l'ordre, dans un palmarès. Ben non. C'est tellement. Il y a tellement d'émissions à la télé qui nous montrent que ça sert à rien. En tant qu'on joue du One Direction là-dedans. Oups, on a oublié. Moi, j'aimerais ça. Peut-être plus tard. Moi, j'aimerais ça. Moi, je peux en faire jouer. On pourrait à chaque semaine dire que plus tard, on va jouer du One Direction, mais tout le temps, oublier de le faire finalement. Tout le temps. C'est pas pire. Non, on pourrait le faire pour de vrai, ça me dérangerait pas. On va regarder avec le directeur des programmes. OK. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est continuer les nouvelles entrées. On va sauter donc par-dessus 18, 17 et 16 anglos qui, elles, ne sont pas des nouvelles entrées. Donc, elles bougent pas vraiment non plus. J'allais dire qu'elles bougeaient. Mais en 18e place, c'est stable. Block Party avec Octopus. Au numéro 17, c'est The Gaslight Anthem avec Enrighten. Et en 16e, ça descend de 6 places pour Hospital for Sinners de la formation The Wallflowers sur l'album Glad All Over. Donc, on s'en va en francophone pour un petit bout de temps. Plus tard, on entendra Daniel Robitaille et Lisa Leblanc, mais on débute en position numéro 18 avec Audionaute et La Tête Ailleurs. Le gars veut juste se promener en licorne. T'as entendu? Non. Ça fait, non, je vais leur filer un petit peu, ça voit à peine. I just wanna ride a unicorn! Okay. Sur ce. Audionaute, La Tête Ailleurs. Voilà. Il faut rêver dans la vie, regarde ça. Oh. Dossier mystère. Non. Tu trouves pas? Oui, effectivement. T'attends à voir le gars, là. C'est quoi son nom? À Canal D, hein? Dossier mystère avec chaud chose. Truc, là. Comment ça s'appelle? Là? Je sais pas. Laisse faire. Vous êtes au palmarès, c'est fou. C'est ça et l'important. Voilà, oui. Thank you.

Voilà. Pas d'animaux là-dedans. Pas du tout. Ça n'a aucun rapport, là. T'ambitionnes un peu. J'ambitionne un peu beaucoup. Donc voilà, pour écouter, on adore la chanson pour cette semaine. Merci, merci. Ça me fait plaisir. Gros plaisir. Moi, je te suggérais, donc par hasard total, Maxime Tanguay, de présenter ta chronique en tant que dictateur. S'il te plaît. Et Dieu fait que je fais un bon dictateur. Attends un petit peu. Hey, c'est qui ce Ben-là? Merci, Maxime. Ben, merci à oui, vous. Oui, merci beaucoup. Vous êtes cool, vous êtes génial. Pareillement. Mais sérieux, tu fais quoi? Après l'émission-là, je travaille. Ah. Je peux te louer, si tu veux. Oh, OK. On s'en parle. Michel Lebrun, n'est-ce pas, François? Oui, d'ailleurs, il me faisait remarquer que si je veux te louer, Mathieu, je pourrais faire face à des accusations. Et aussi que tu ferais pas beaucoup d'argent. Et ça, c'est Michel Lebrun qui l'a dit. C'est vrai, mais je suis comme, hey, one minute, c'est mon studio. Les gens paieraient pour te retourner. Hein? Pour me retourner de bord? Ouais, ben, pour... me retourner pour... c'est pour que je revienne te chercher. Me donner la fessée? Non, non. Parce que c'est comme ça qu'il appelle son engin, mon petit Jérémy. Non, il a chanté pour la pape, lui, premièrement. Okay. T'as-tu chanté pour la pape? Ton petit engin a chanté pour la pape? Non. Jérémy, arrête de parler de mon engin. Premièrement, il est pas petit. Hein? Parce que si tu l'avais la bouche, tu pourrais pas le parler. OK. Fait que c'est la chronique. Ce slogan vous va comme un gars. Merci, Matt. Fait plaisir. T'as pas fait de petite intro à cappella, finalement? Hey, faudrait qu'on ait une petite intro. Électro, électro à cappella. Matt va faire son robot. De l'électro à cappella. OK, ouais, démerde-toi avec ça. Ce slogan vous va comme un gant, ce slogan vous va. C'est pas électro, slogan booba, booba. Ce slogan vous va comme un gant, gigant, gigant, gigant, gigant, gigant. Ce slogan vous va comme un gant. Vraiment pas électro. Je pense que j'ai jamais rien entendu aussi mauvais. Non, c'est un échec. C'est pas des petits doudoudoudoudoudou en arrière, ça serait parfait. Une petite drill, là. Drill. C'est comme plus des sons. Ce slogan vous va comme un gang, gang, gang, gang. Non, tu chantes trop, là. Ça marche pas. C'est une chanson. Non, c'est électro à cappella, si vous voulez. Je peux faire du country, sinon. Non. Un classique? Ouais, ben, du classique. Opéra? Ouais, opéra. Opéra. Slogan vous va comme un gant. Ce slogan vous va comme un gant. Non. Il la va pas. Non, c'est pas opéra. C'est pas classique. Écoute, on reviendra pour un intro. Prochaine fois. Hein? Le temps d'écouter François Landry nous parler, en fait, et de discuter avec lui. On peut rien que laisser monologuer toute la demi-heure, quand même. Non, quand même pas. Mais non, quand même. Tu sais, à un moment donné. Hein? Ça se fait à trois, ces affaires-là. Ça se fait à trois. Je pense qu'on va continuer le sujet de la semaine dernière. Merci. Encore plus inconfortable la deuxième ou troisième fois que vous l'écoutez. Donc, moi, c'était ma troisième fois et. C'est long. Ouais, c'est ça. C'est particulier. C'est un genre d'humour, hein? C'est pas pour tout le monde, ça. Assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François Marchand et moi-même Mathieu Plante. Il y a des manèges comme ça et de toutes sortes d'autres couleurs d'une grande, grande variété. C'est savoureux. Ben oui, ben il y en a pour tous les genres. Ouais. Ben tu sais, la chronique, ce slogan vous vend comme un gant. Hein. Je vous la suggère. Si vous aimez les moments inconfortables, hein, je suggère la chronique au complet. C'est un bon petit 7 minutes de bonheur sur assemblagerequis.com. 7 minutes de bonheur. C'est beau. Pick a pickle, Alexandra. Pick a pickle. Parce que j'invente des slogans pour des compagnies. Pick a pickle. Pick a pickle, c'est pour une compagnie qui a une variété de différents cornichons. Ou encore, c'est mettons une compagnie de construction qui s'appelle Des Moisins. Ben c'est Demandez Moisins. Ouch. Hein. Je suis contente que tu n'avais pas décidé de faire carrière en publicité. Quand même, là, Alexandra, tu vas me déprimer là, comme ça à la radio. Mais non, mais je te déprime pas. C'est déjà assez de toute flagellation. Je suis contente pour toi. Je suis censée te remonter le moral. C'est une carrière comme une autre, là. Je veux dire, bon. Donc voilà pour les meilleurs moments d'assemblage requis. Par contre, si vous pensiez que le calvaire était terminé, restez à l'écoute parce que plus tard, on a un autre spécial David Ferron. Oh là là! À un instant classique, encore en vedette cette fois-ci, Gustave Lafenêtre. Les péripéties continueront. Mais pour l'instant, on saute par-dessus les 15e places du côté anglophone, Smokin' Jackal avec Fall Around qui descend de 10. Et du côté francophone, on va sauter par-dessus Ariane Moffat et Hôtel d'Amour qui est au numéro 10 et qui a drapé au numéro 15. On va pas sauter à ce qui me passait là-dessus? Je sais pas. Je pense que oui. À numéro 14, du côté anglophone, Diamond Rings avec I'm Just Me s'en vient, ça descend de 2 places. Mais tout d'abord, les frères Goyette avec Tabac d'Orchestre au numéro 14 qui monte de plusieurs.

Diamond Rings et I'm Just Me. C'est la position numéro 14. Ça descend de deux places. Et juste avant, on a entendu les frères Goyette avec un tabac d'orchestre qui était au numéro 19 et qui a fait une hausse jusqu'au numéro 14. Ouch! Terminé. J'aime pas ça, ces bruits-là. Bon. Je vais dire, eh bien, tabac d'orchestre. C'était bon. Donc, on va y aller avec les prochaines positions, c'est-à-dire les 12e du côté anglo. Ce sera Batford. Non, on fait les 13e. 13e. Oui, 13e. On était au numéro 14, donc logiquement, on s'en va au numéro 13. Je m'en suis rendu compte quasiment moi-même. Grizzly Bear avec Yet Again qui descend de la 6e place. Mais tout d'abord, Bernard Adamus entre ici et chez vous. On s'en va par là-bas. Toi, tu t'en vas par où? Chez vous aussi? Moi, je m'en vais. Tu m'en vas. On dira pas trop fort pour pas brusquer les gens, là, mais. Merci, Alex. C'est des palmarès, c'est fou. On est parti bon matin pour Québec, tout à la vingt, jusqu'à temps qu'à sortir 138, on pogne flat sur le bord de la vingt. Un John Duran à droite, pis l'horizon dans un coin. Garde-moi l'indien qui fourre le chien, qui pompe le sac à deux mains. Ah ben, gadon, y'a plus de space, c'est le meilleur port, on est bon. Lutin, il voudrait bien, mais il est comme moi, il connaît rien, à part la muse et Doritos, pis son petit penche à poule vin. On s'en va dans notre belle capitale, y'a des fans de trad pis de métal. Ils nous font rire, je veux juste le dire, je sais que dans le fond, c'est nous autres les pires. Joseph Coron, c'est un beau du coin les garçons. Ah ouais, on se pack pis on débarque, sans moi les clés du contact. Qu'est-ce qui se pose, qu'est-ce qu'on fait, bouffe tout de suite sans check après. Ou ben on rentre en d'adrette le mot d'une petite soif qui me pique ça tout le monde. Que le, ça demande pas mieux. En port pat, notre été, ben lui chiole un peu. C'est parce qu'il drette comme un pape, il passe comme un chaleux. Soit là, j'ai pas fait attention, mon cœur poigné un tour de rein. Quand me suis réveillé le lendemain matin, ouais, partir la belle à nos mains. L'eau, on part la vanne pis on saute. On pointe la 175 nord, on vire à Jean-Pierre à soi. Et y'a pas vache qui belle, pis là c'est encore l'hiver. Mon olive sa ville neuve qui nous chauffe notre enfer. Tout le monde est frippé ben dur, on s'y fait à l'usure. Ça parle de gear pis de mauvaise fait. Check point le paysage qui nous invite. Notre toutes nos visions, c'est bonne femme, nos propres raisons font votre charme. Anyways, les wipes peuvent s'être jazz. Ça sent 75 nord. Pis avant de la reprendre vers le sud, pense que la veillée va être un peu rude. En fait, de même, font pas exprès que le façon de dire le bel parlons du rebond, c'est le français d'Afrique. Moi, j'ai un petit fait pour la tourte, c'est ketchup maison, pis la bonne vie, bon, ça me charme. Les belles tourneux, pis les bonnes femmes ont belle allure. Et ah ouais, non, les longs, là, en bout de sumé, en blond, c'est ce que je à live, pis en après-midi, à ouais, malgré. C'est là, pis chaud, c'est ramené, qui sont beaux, smile, c'est gros l'aîné. Moi, j'étais chaud comme un poil, pis elle molle comme un lac. Motel princesse, j'ai trouvé ça wack, mais j'ai du fun, l'autre bord du pack. T'es fini, on ouvre nos yeux, on bouffe des œufs, on est tous craqués. Tant qu'on part 400 km, t'as fait sa map que je donnerais ben tout le monde s'échange. Pour pas te surprendre, juste un peu de sens. Des fois, je me dis c'est beau, c'est correct. Pour un temps, on va faire avec. J'suis

c'est quand même une bonne réflexion. Là. Quand tu vois un douchebag, est-ce que tu peux parler de sa pomme de douche à la place de sa tête? Hey, il y a désormais une belle pomme de douche. Bon. On va entendre Grizzly Bear avec Yet Again. C'est la position numéro 13. Ça descend de la 6e place. Et avant ça, on a entendu Bernard Adamus. C'est Entre ici puis chez vous qui monte de 3 places. C'était nouveau la semaine passée. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt avec Madame Moustache, Bad for Lashes, Ringo Death Star et Atomic Baobab. C'est pas vrai, c'est fou. Restez là, bande de fous. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Toujours pas le reste, c'est fou pour la semaine du 26 novembre au 2 décembre 2012. Je m'appelle Mathieu Plante. Et dans cette deuxième heure, on commence avec les 12e places. Hein? Ben oui. Du côté anglophone, ce sera Bad for Lashes et l'ancien numéro 3, All Your Gold. Mais on débute avec Madame Moustache qui monte de 3. Et c'est sa deuxième semaine. Voici Roméo et Juliette. Au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Je pensais que ce serait différent. Tu me promettais pas la lune, oui, Lafayette, c'était tentant, je me sentais vraiment comme quelqu'une. Mais quand t'as vu mon GPS, qui pointait pas vers la frontière, tu m'as trouvé un peu BS, de laisser ton cœur choir à terre. J'ai vraiment cru à une erreur, tu m'as dit, Montréal, c'était une heure. Je rêvais des soins de Pélosi, pis y'a même pas de Ralph et chez Manny. Même au galop, tu trottes mon âme. Penses-tu vraiment que je trouve ça le voir? Quand j'ai embarqué dans ta barouette, c'était pas direction que j'allais. Tous les détails étaient scellés. Vous alliez taper un record. T'allais être une reine à clore, mais tu me ferais pitcher des lingots d'or. Pourquoi t'arrêter de croire en moi? Qui avait tout misé sur nous? Je vais te mettre en feu, t'es fait en bois. Y'a pas de roulette à mi-genoux. Mais dans ta tête, oui, ça pédale. Tu cherches des jolies issues de secours. Je vais me rendre au sud comme une cigale. Toi et Joliette, restez pour toujours. Même au galop, tu trottes mon âme. Penses-tu vraiment que je trouve ça le fun? Je pensais me sauver un petit peu de fret. Numéro 12. Bad for Lashes et All Your Gold. Position numéro 12 qui dessert de 9 places. Et avant ça, c'était Madame Moustache avec Roméo et Joliette qui, quand elle chose, là, Madame Moustache, là, elle, là, ses poils montent par en haut. Ça fait une drôle de moustache. Mais en plus, ça monte de 3 places. C'était une nouvelle entrée la semaine passée sur l'album Maison Mobile. Tout à l'heure, dans l'émission, on a entendu les meilleurs moments d'assemblage requis dans ce qu'on appelle un instant classique. Hein. C'est comme ça, vous le savez. Une fois de temps en temps, David Ferron est tellement drôle qu'on lui réserve sa propre chronique. Voici donc un Ferron classique. Mais ça va chanter pareil, un instant classique dans la chanson, parce qu'on n'a pas d'autres sortes de chansons. Ferron! Ferron! Ferron! Voici le meilleur moment de David Ferron pour la semaine du 26 novembre 2012. Oui, il est tombé dans le panneau, hein, David. On y avait avant la pause, on parlait qu'on allait installer un piège à David pour qu'il fasse une gaffe. Et là, je pense que t'as fait une gaffe, t'as échappé ton téléphone sur la table. C'est exactement ce qu'on voulait. Il est cassé. C'était prévu comme ça. Danny Janvier du Dinecon qui a écrit sur la page Facebook de l'assemblage requis que il aimait pas tant cette pièce-là. Non, mais là, je l'ai dit comme ça. Là. C'est pas comme si on n'était pas d'accord avec lui. Ouais. Mais il demande en fait où est Gustave. Peut-être a-t-il de la meilleure musique à nous offrir. On va remettre les gens en contexte. Avec Gustave, la fenêtre. Et en fait, est-ce qu'on peut dire un ennemi ou c'est comme le genre d'anti-David Ferron? Et ben, lui donner des coups de poing à David. Ouais. Hey. Ils se sont battus l'autre semaine. T'es pas fin, François-Olivier. Ben là, j'ai inventé rien. On a failli le tuer parce que je sais que j'ai dû tirer sur un des deux. J'ai tiré sur Gustave, mais tu sais, des fois, la différence, c'est ça. C'est pas qu'il carré, mais. Gustave vient d'étrangler apparemment David Ferron en direct en studio. David s'est fait fracasser contre la porte. Mais en fait, il n'est pas fracassé littéralement. Mais bonjour, ça va bien? Oh, salut Gustave, wow! Yeah. Hey, c'est juste plate que tu arrives à 9h06. Ouais, on est comme un petit peu en retard sur la fin de l'émission. Bon, je voulais juste vous dire bonjour. Tranquille, chien. Attends, tranquille. Gustave! Alors, tranquille, David. Oh. Tranquille. Au revoir, les gars. Merci. Je vais finir ma job. Bon, donc peut-être que la semaine prochaine, ce sera Gustave qui va faire la chronique La langue dans ton oreille. Peut-être qu'il va la changer de nom pour la moustache dans ton oreille. Ah, oh, titi. On sait pas. Incroyable. J'ai raté mon cue sur le Ferron classique. Hein? C'était un Ferron classique pour la semaine du 26 novembre. Vous pouvez retrouver David Ferron tous les mardis à 8h30 dans Assemblage requis, qui est elle-même du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec F.O. et moi, ma fille. Et David Ferron amène tout le temps Némésis. Son Némésis. Gustave, en tout cas, c'est pas qu'il l'amène, mais Gustave est toujours dans le même coin. T'sais. À la radio, on a l'impression que ils sont comme... la même personne. Mais non, ce n'est qu'un mythe. Peut-être un Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On ne sait pas. Donc voilà pour ça. On va continuer avec nos prochaines pièces des palmarès. On va aller avec les 11e du côté anglophone. Ringo Dead Star avec Rip qui monte de 9 places. C'était nouveau la semaine passée. Mais avant ça, à l'instant, voici Danny Placard qui descend de 3 places. 4e semaine pour la pièce Dis-moi. Palmarès, c'est fou. 89 FM. Gustave, David, lequel choisir? Le jour où t'as eu 22 ans. numéro 11. Ringo Death Star et le morceau Rip qui monte de 9 places. C'était tout nouveau la semaine passée. On s'affranchit la moitié du palmarès, très exactement. Et on les félicite avec cette petite pièce magique-là. On dirait une affaire de Bewitch, là, dans ce film de main. Gring, gring, puis tourne la page. Puis, comme la fée Clochette. C'est ce qu'elle faisait, tourner les pages. Elle faisait pas grand-chose. Elle était cute. Donc, juste avant d'entendre Ringo Death Star, on l'a entendu en francophone. Benny Placard et Dis-moi. Et ça descend de 3 places. En 10e position, on va sauter par-dessus Yann Perrault avec Acrobat de l'éternité, malheureusement, mais ça descend de 4 places. Et c'est là depuis 5 semaines. On va entendre plus tard Atomic Baobab et White Horse. Par contre, on débute avec la 10e franco, voici Hunter Valentine, qui monte une. C'est Liar, Liar. Au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Keep my mind straight. I keep my mind straight.

tellement bon, cette chanson-là. On pense pas que c'est fini, mais c'est fini. C'était White Horse avec Devil's Got a Gun. C'est la position numéro 9 qui descend de la quatrième, donc de 5 places. Septième semaine de présence. Avant ça, on l'a entendu en franco, Atomic Baobab, Babibibobi, avec l'atterrissage qui monte de 11 places. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Deuxième extrait de l'album, le View Master. Avant ça, en dixième anglo, on a entendu Hunter Valentine et Liar Liar qui montent d'une place et on a sauté par-dessus Yann Perrault avec Acrobat de l'éternité qui descend de 4. Voilà! Ce bloc est bouclé. C'était excellent. Je pense qu'en fait, c'était un des meilleurs blocs de l'émission jusqu'à maintenant de l'histoire. Je pense. Est-ce que j'ambitionne? Non, pas vraiment. On y va avec un autre bloc 3 quarts. 3 quarts voulant dire qu'on saute une pièce sur 4. Hein? Mathématiquement parlant, j'avoue que j'ai vraiment la cote. Donc, on va sauter par-dessus Tremblay. Malheureusement, en 8e franco, Marie Plastique monte d'une place. On va entendre plus tard lundi, c'est Mother Mother. Mais on débute avec Crystal Castles qui monte de la 19e place jusqu'à la 8e. C'est un gros saut de position. Là, c'est nouveau la semaine passée. Donc, Plague, Crystal Castles. Tout de suite, au palmarès, c'est fou. C'est le Crazy Countdown. Crazy, crazy, crazy! Non? Crazy, crazy. Vas-y, Debbie Joanne, t'es bonne! Comme dans l'annonce. Debbie Joanne, c'est supposé être sa fille, et poche, ça. Maintenant, vous savez le principe de cette pub-là, bravo. Beau concept. Trees within, numéro 7. Mother, Mother et Bit by Bit, ça monte la 7e place. Avant ça, ben, c'était en 16e, tu sais. Fait que je laisse faire la quelqu'un. Avant, en franco, c'était l'indice avec Faire du bruit qui monte aussi de la position numéro 18. Drôle comment ces pièces se suivent complètement, mais descendent, montent un tout petit peu, à peine. Alors, on s'en a entendu du côté anglo en 8e place, Crystal Castles. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, oui. Crystal Castles avec Plague qui monte de 9 places en 8e anglo. Et en franco, on a sauté par-dessus Tremblay et Marie Plastique. Ça montait d'une place. C'est la pièce la plus vieille du palmarès en ce moment. Elle est là depuis 11 semaines. Tout de suite, les 6e places en anglo, East Road avec October Road. Avant ça, Noem et Belle Tan qui descend d'une place. Et plus tard à l'émission, reste avec nous parce que DJ Catardy s'en vient faire sa chronique. On va être là, en personne, live, en studio. Yeah! Ça va me faire de la compagnie, hein? Parce que je suis seul, parce qu'Alexandre n'est pas là, ça. Je l'ai compris. Je ferai pas un dessin, là. C'est un peu plate comme dessin de moi. Encore en train de se rabaisser. Cercle de bière, tout près du bosquet des sorcières. Je veux revoir ton doux visage, tes yeux de parc, couleur d'orage. Laisse-moi te voir, la belle dame, écouter ta voix océane, murmurer des villes d'Irlande. Dans ta clairière de Poséidon. Oh, tout contre toi, avec un seul dol même pour toi. Viens réchauffer tes allumés, viens-tu braser le love train, écouter les incantations de ta lycée et breton. Reviens avec moi vers Wicca, faisons remettre les rites anciens, changeons les messes en saveur, vivant comme des sylvains. October Road. doesn't really make sense, no. To waste your time waiting. When you're longing to arrive. Where you're going. No, no, no, no, no. To waste your time waiting. The October road. Sunday evening, we finally made it, my friend. We were caught by a friendly policeman. Sunday evening, we finally made it, my friend. The ocean breeze now feels the eastern air. Now we arrive to the East Coast. We're on a ferry to Magdalen Island. We arrive to the East Coast, up the road. East Road et October Road, position numéro 6, ça monte de la 14e place. Et avant ça, on a entendu Noël avec Beltane qui descend de une. Tout de suite, les 5e en anglo, Run with the Kittens. Mais tout de suite, voici les 3 accords et l'ancien numéro 1, exercice. Après ça, on vient avec DJ de Catardi. Tout arrêt sur ce banc nous est interdit. Il est fait pour ceux qui le regardent vu d'ici. C'est à toi. Conçu spécifiquement pour pouvoir s'y promener sans s'arrêter devant. We'll be right back. en a qui ne font pas d'exercice. Oh, oh, oh, numéro 5. Kittens et Weight of the World, ça monte de 4 places en 5e anglo. Avant ça, c'était les 3 accords et exercices lancés numéro 1. Donc, on a un nouveau numéro 1 francophone. Dans quelques minutes, juste après la pause, on aura une troisième et dernière heure avec la musique de Trio, Gros Mini, Peter Peter, Chinatown, Stars, Metric, The Darkness et The Vaccines, ainsi que la chronique de DJ Catardi. C'est Palmarès, c'est fou! C'est fou. Pour l'écouter, c'est fou 89.1. C'est la troisième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 26 novembre au 2 décembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Alexandre Carignan sera de retour la semaine prochaine. Tout à l'heure, on continuera notre palmarès avec Trio et The Vaccines, entre autres. Mais avant ça, en direct avec nous, devant sa foule en délire composée de moi-même. Ah! What's up? Comme dirait les... What's up? Non, c'est DJ Catardi. Alors, bonjour Mathieu. What's up? Ça va bien? Oui, ça va. Oui, bon, cool. Les autres semaines, j'ai eu l'habitude de vous ménager, d'être quand même assez douce. Ouais. T'es calme, t'es... Ouais, c'est ça. Docile, presque. La session passée, ça brassait un petit peu plus. Tu fais ça dans le dash. On retourne dans nos vieilles habitudes, on réveille le monde un peu. Aujourd'hui, je vais vous parler de Glitch Mob. Okay. Donc, peu de gens connaissent Glitch Mob. Moi-même, d'ailleurs, ça fait pas très longtemps. Moi-même, je connais pas ça. Non, ça fait pas très longtemps que je suis... En fait, j'en avais entendu parler maintes fois. Maintes et maintes fois. Ils ont été surtout découverts à cause de leur remix de Seven Nation Army. Les White Stripes. Les White Stripes. Okay. Mais évidemment, c'est toujours touché de jouer un remix parce que des fois, autant que le monde aime l'original, autant qu'ils peuvent aimer le remix, mais autant aussi qu'ils peuvent être frustrés de ne pas avoir entendu l'original. Ouais. Ils peuvent penser que c'est tout nouveau. En entendant le remix, ils font comme « Wow, c'est tout nouveau », mais en même temps, ils ne savent pas que c'est un remix aussi. Non, non, non, mais c'est typique, tu sais, puis je peux faire partie de ces personnes-là. Tu peux ressentir une certaine frustration d'entendre une chanson que toi, tu juges massacrée, mais qu'une autre personne juge améliorée. Ouais. Donc, c'est toujours touché. C'est pour ça qu'en partie, j'ai choisi de pas vous faire écouter ça. Si jamais le style vous intéresse, vous pourrez aller regarder ça. Glitch Mob, Seven Nation Army. Mais... on va commencer avec une pièce quand même assez intéressante. Je vous laisse écouter ça. Donc, la pièce s'intitule Bad Wings. Et c'est du... C'est quoi? c'est de l'album Drink the Sea en 2010. D'accord. On écoute ça. DJ Catardi. Donc, c'était la chanson... Vas-y. Oui, la chanson Bad Wings. Bad Wings. Comme les mauvaises ailes. Ouais, c'est ça. J'avais un petit blanc de mémoire. Envole-toi, Lijet. Non, mais j'ai pensé présenter plusieurs chansons, donc là, je me suis mélangée pendant 2 secondes. Mais la prochaine va être Animus Vox. Ouais. Mais avant un peu, je vais vous parler rapidement de Glitch Mob, qui est... Dans le fond, c'est 3 gars de L.A. qui ont commencé à faire de la musique, surtout des synthés, avec des choses midi. Puis depuis 2006, mais en 2010, ils ont sorti leur gros album, ils se sont fait connaître. Puis ils ont joué à San Francisco, après ils se sont fait connaître West Coast un peu. C'est quand même très électronique, Glitch Mob. Par moments, c'est un petit peu plus élevé. On va écouter Animus Vox, qui a vraiment été mon coup de cœur. Donc, on embarque tout de suite avec ça. Ouais. The Glitch Mob, DJ Catardi. Pas de mal, c'est fou. C'est très bon à date, pour vrai. Ah ouais.

plus distinguée. Et c'est la plus forte aussi. Et c'est sûrement pour elle qu'il me tape le menti, bébé chérie. Hiding from the shadows of us, we hide. Courage is alive, wild. I see it. Stars et Backlines, position numéro 3. Ça monte de la 7e, donc c'est 5, 3, de 4 places. Du côté franco, c'était Gros Méné avec Vénus qui descend de 1 sur l'album Agnus Dei. Maintenant, on est rendu aux 2e places, mais avant d'écouter Chinatown et Metric, regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, hein, parce que vous savez, si vous regardez des fois sur les chaînes de nouvelles en continu, dans le bas de l'écran, il y a toutes les nouvelles qui roulent. Puis là, c'est tout la même nouvelle, puis il y a tout ça plein de fautes dedans, mais... Des fois, ils disent, tu sais, les palmarès, c'est fou, c'est seulement le top 20 franco et le top 20 anglo. Les palmarès, c'est fou. Moi, je dis, tu vois, ça, c'est notre faute. Notre faute. Parce que les palmarès, c'est fou, c'est aussi le top 10, le top, excuse-moi, je vais dire des affaires comme fou. Top 30 des albums, top 3 des disques canadiens, top 10 électroniques et top 10 loud. Voilà. Commençons par le top 30 des albums. Je ne vois qu'une seule nouvelle entrée, c'est en 28e place, Machine Gun Suzy, avec Black Paper Horse. Et je suis pas mal sûr que Machine Gun Suzy va faire son entrée dans le top 20 la semaine prochaine. Je gagerais là-dessus. Une infime partie de ma paye. Ensuite, dans le top 3, position numéro 3, ça monte de 4 stars avec The North. C'est ce qu'on vient d'entendre. En deuxième, c'est stable, Metric avec Synthetica. Et en première, stable aussi. 11e semaine de présence pour The Darkness et Hotcakes. Top 3 des disques canadiens maintenant. En troisième position, ça monte de 6, Run with the Kittens avec Letter from Camp. En deuxième, Stars avec The North qui monte d'une place. Et en première, c'est stable, Metric avec Synthetica. Dans le top 10 électronique maintenant, il y a 3 nouvelles entrées. En 6e, Errors avec New Relics. En 4e, Archive avec With Us Until You're Dead. En 3e, c'est Maserati avec Maserati 7. C'est un V avec deux I. Numéro 2, ça monte d'une place Bio Bazar et Obama Contech. Et en première place, ça monte d'une Hout Job avec New World March. New World March, 2 remixes. C'est simple à dire tout ça. J'adore. Donc, position. En fait, le top 10 électronique qui change pour la première fois en genre 3 mois. Fait que profitez-en parce que ça va durer pas. Ça va être pareil la semaine prochaine. Top 10 loud maintenant. Il n'y a pas de nouvelles entrées. Par contre, en 3e place, c'est stable. Apocryphon, l'album de The Sword. En 2e, ça monte de 2 Graveyard avec Lights Out. Et en 1ère, c'est stable. 2e semaine de présence pour King Animal de Soundgarden. Voilà pour le top 10 loud et tout ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. On est rendu en position numéro 2 maintenant. Du côté anglophone, c'est stable, Metric avec Breathing Underwater. Mais tout de suite, ça monte de 12. Voici Chinatown et Cassez-moi la tête. Au palmarès, c'est fou! Un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Je tire. Je devrais me trouver un nouveau slogan un jour. Ça va être plate, celle-là. Voilà. numéro 2. Breathing Underwater, stable en deuxième position, septième semaine de présence. L'album s'appelle Synthetic Hell. Avant ça, on a entendu Chinatown et Cassez-moi la tête qui monte de 12. Et ça, c'était nouveau la semaine passée. Donc, ça a monté pas mal, je trouve. Pas mal. Allez, le restement des numéros 1, ça veut dire que malheureusement pour vous, il faut passer au travers des jeux de mots avant de se rendre au boss final, comme Fonté Bowser et ses méchants petits-fils. Ouais, je sais, ça tourne dans ma tête, là, ça tourne. J'essaie de trouver des jeux de mots. Je suis comme dans une genre de bibliothèque de mots, là, ou genre dans une, je sais pas, dans une foire, mettons, où il y aurait t'sais, des petits jeux poches, là, il faut que tu tires, mais t'as aucune chance de gagner. Mais quand tu gagnes, parce que t'as des chances de gagner quand même, là, tu gagnes, je sais pas, peut-être un billet pour monter dans un manège, par exemple. Comme, mettons, un carousel de Peter. Du côté anglophone, ben, je vous dirais que les choses sont toujours pareilles, ça vient de pareil au même. C'est la même position que la semaine passée. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, c'est quoi? Je vais comme faire le même jeu de mots. C'est ça que je vais faire, les mêmes jeux de mots que la semaine passée. Qui va surveiller les jeux de mots? Qui prend en note chacun de mes jeux de mots? Et qui va venir avec sa moustache et son chapeau de policier m'arrêter. Nothing's gonna stop us. The Darkness. Hein? J'aurais pu faire une blague sur le bleu marin qui est très foncé, The Darkness, la noirceur du bleu du policier. Quelque chose comme ça, tu sais, j'aurais pu sortir vraiment la créativité comme seul moi peut le faire. Hein? C'est un talent que j'ai et qu'il faut respecter, comme la police. Respecter mon autorité dans les jeux de mots poches. Hein? Voilà. Donc, The Darkness tantôt avec Nothing's Gonna Stop Us, mon débit avec Peter. Voici Carousel au palmarès, c'est fou. Position. I am no messenger, but I will give you a message. A message of death. When you're cycling through the city at night, and you go to beat the parking lot, I've got the fingers facing you, and you didn't care. I was fixing your chain while you're fixing your hair. Land. gonna stop us. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. Let's get out of here. Position numéro 1 des Paparazzi C'est fou pour cette semaine. On va faire un petit récapitulatif du top 3. Le top 3 de Rock Hard No 3 Top 1. Donc, en anglophone, le numéro 3, c'est Stars avec Backlines. En deuxième, c'est Stable, Metric et Breathing Underwater. En première place, on vient d'entendre The Darkness et Nothing's Gonna Stop Us. En franco, troisième place, c'est Gros Méné avec Vénus. En deuxième, Chinatown et Cassez-moi la tête. Et on a débuté ce bloc qui vient de terminer là avec Peter. Et la pièce Carousel qui montait de 3 places. Voilà. Maintenant, mais parlons de ce qui s'en vient plus tard ce soir. Pour ceux qui désirent rester à l'écoute, en fait, je vous suggère fortement. Parce que après nous, hein, parce qu'on joue en direct les jeudis entre 15h et 18h, après nous, ce sera La Sécheuse. Et puis à 19h, on passe en électronique avec 13e étage. On passe les vendredis soirs de 17h à 20h. Après nous, c'est Skypunka. Et les lundis entre 14h et 17h, restez à l'écoute à 18h, ce sera Le Boudoir avec Alexandra Carignan, qu'on remercie d'ailleurs pour sa participation à l'émission d'aujourd'hui. On remercie aussi DJ Catardi, aussi DJ, ou aussi Jet Catardi. pour sa présence. Passez par le cif.ca pour la programmation complète et par assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusion. On se quitte avec un extrait. Je pense qu'on va avoir le temps de revenir après. Fait que j'ai dit ça pour rien, non, c'est pas vrai. On se quitte pas. Tant qu'à avoir dit bye, je vais vous dire bye pour vrai. Là, on va arrêter de niaiser. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée en début d'émission, c'est-à-dire Octopus de Block Party. À la semaine prochaine. Bye bye. Salut les palmiers. C'est comme si on écoutait la radio de loin quand ça joue de même. Oh là là! Bye!